Premier discours, première partie. De Jules César à Dès ou Décius. Après avoir prêché l'évangile, Jésus-Christ laisse sa croix sur la terre. C'est le monument de la civilisation moderne. Du pied de cette croix, plantée à Jérusalem, partent 12 législateurs, pauvres, nus, un bâton à la main, pour enseigner les nations et renouveler la face des royaumes. Les lois de Lycurgue n'avaient pu soutenir Sparte. La religion de Numa n'avait pu faire durer la vertu de Rome au-delà de quelques centaines d'années. Un pêcheur, envoyé par un faiseur de joues et de charrues, vient établir au Capitole cet empire qui compte déjà 18 siècles et qui, selon ses prophéties, ne doit point finir. Depuis longtemps, Rome républicaine avait répudié la liberté pour devenir la concubine des tyrans. La grandeur de son premier divorce lui a du moins servi d'excuse. César est l'homme le plus complet de l'histoire parce qu'il réunit le triple génie du politique, de l'écrivain et du guerrier. Malheureusement, César fut corrompu, comme son siècle. S'il fut né au temps des mœurs, il eût été le rival des Cincinnatus et de Fabricius, car il avait tous les genres de force. Mais quand il parut à Rome, la vertu était passée. Il ne trouva plus que la gloire, il la prit, faute de mieux. Auguste, héritier de César, n'était pas de cette première race d'hommes qui font les révolutions. Il était de cette race secondaire qui en profite et qui pose avec adresse le couronnement de l'édifice dont une main plus forte a creusé les fondements. Il avait à la fois l'habileté et la médiocrité nécessaires au maniement des affaires qui se détruisent également par l'entière sottise ou par la complète supériorité. La terreur qu'Auguste avait d'abord inspirée lui servit. Les partis tremblants se turent quand ils virent l'usurpateur faire légitimer son autorité par le Sénat, maintenir la paix, ne persécuter personne, se donner pour successeur au consulat un ancien ami de Brutus, ils se réconcilièrent avec leur chaîne. L'astucieux empereur affectait les formes républicaines. Il consultait Agrippa, Mécène et peut-être Virgile sur le rétablissement de la liberté, en même temps qu'il envahissait tous les pouvoirs, se faisait investir de la puissance législative et instituait les gardes prétoriennes. Il chargea les muses de désarmer l'histoire et le monde à pardonner l'ami d'Horace. Les limites de l'Empire romain furent ainsi fixées par Auguste. Au nord, le Rhin et le Danube, à l'Orient, l'Euphrate, au midi, la Haute-Égypte, les déserts de l'Afrique et le mont Atlas. À l'Occident, les mers d'Espagne et des Gaules, Trajan subjuga la Dacie au nord du Danube, la Mésopotamie et l'Arménie à l'est de l'Euphrate. Mais ces dernières conquêtes furent abandonnées par Adrien. Agricole acheva sous le règne de Domitien de soumettre la Grande-Bretagne jusqu'aux deux golfes entre Dumbreton et Édimbourg. Sous Auguste et sous Tibère, l'Empire entretenait 25 légions. Elles furent portées à 30 sous le règne d'Adrien. Le nombre de soldats qui composaient la Légion ne fut pas toujours le même. En le fixant à 12 500 hommes, on trouvera qu'un si vaste état n'était gardé du temps des premiers empereurs que par 322 500 et ensuite par 375 000 hommes. 6 831 Romains proprement dits et 5 669 alliés ou étrangers formaient le complet de la Légion. Sous la tyrannie, ce n'était plus Rome, c'étaient les provinces qui fournissaient les Romains. Les Celtibériens furent les premières troupes salariées introduites dans les légions. Rome avait combattu elle-même pour sa liberté. Elle confia à des mercenaires le soin de défendre son esclavage. 16 légions bordaient le Rhin et le Danube. 2 étaient cantonnées dans la Dacie, 3 dans la Mésie, 4 dans la Pannonie, 1 dans la Norique, 1 dans la Rhétie, 3 dans la Haute et 2 dans la Basse Germanie. La Bretagne était occupée par 3 légions, 8 légions, dont 6 séjournaient en Syrie et 2 en Cappadoce, suffisaient à la tranquillité de l'Orient. L'Égypte, l'Afrique et l'Espagne se maintenaient en paix, chacune sous la police d'une légion. 16 000 hommes de cohorte de la ville et des gardes prétoriennes protégeaient en Italie le double monument de la liberté et de la servitude, le Capitole et le palais des Césars. 3 flottes, la première à Ravenne, la seconde à Misène, la troisième à Fréjus, veillait à la sûreté de la Méditerranée orientale et occidentale. Une 4e commandait l'océan entre la Bretagne et les Gaules. Une 5e couvrait le pont Euxin et des barques montées par des soldats stationnaient sur le Rhin et le Danube. Telle était la force régulière de l'Empire. Cette force, accrue graduellement, ne s'élevait pas toutefois au-delà de 450 000 hommes, au moment où des myriades de barbares se préparaient à l'attaquer. Il est vrai que tout Romain était réputé soldat, et que dans certaines occasions, on avait recours aux levées extraordinaires connues sous le nom de « conjuration » ou « dévocation » et exécutées par les concitors. On arborait dans ce cas du tumulte deux pavillons au Capitole, un rouge pour rassembler les fantassins, l'autre bleu pour réunir les cavaliers. Une ligne de postes fortifiés, surtout au bord du Rhin et du Danube, dans certains endroits des murailles, des manufactures d'armes, placées à distance convenable, complétaient le système défensif des Romains. Ce système changea peu depuis le règne d'Auguste jusqu'à celui de Dèce. On ajouta seulement à la défense ce que l'expérience avait fait juger utile. Sous Auguste s'alluma cette guerre de la Germanie où Varus perdit ses légions. Lorsque Auguste entrait dans son 12e consulat et que Caius César était déclaré prince de la jeunesse, que se passait-il dans un petit coin de la Judée? Vers ce même temps, on publia un édit de César Auguste pour faire le dénombrement des habitants de toute la terre. Joseph partit aussi de la ville de Nazareth, qui était en Galilée, et vint en Judée à la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour se faire enregistrer avec Marie, son épouse, qui était grosse. Pendant qu'ils étaient en ce lieu, il arriva que le temps auquel elle devait accoucher s'accomplit, et elle enfanta son fils premier-né, et l'ayant emmailloté, elle le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Or, il y avait aux environs des bergers qui passaient la nuit dans les champs, veillant tour à tour à la garde de leurs troupeaux. Et tout d'un coup, un ange du Seigneur se présenta à eux, et une lumière divine les environna, ce qui les remplit d'une extrême crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez point, car je vous viens apporter une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. » Ces merveilles furent inconnues à la cour d'Auguste, où Virgile chantait un autre enfant. Les fictions de sa muse n'égalaient pas la pompe des réalités dont quelques bergers étaient témoins. Un enfant de condition servile, de race méprisée, né dans une étable de Bethléem, voilà un singulier maître du monde et dont Rome eût été bien étonnée d'apprendre le nom. Et c'est néanmoins à partir de la naissance de cet enfant qu'il faut changer la chronologie et dater la première année de l'ère moderne. Tibère, successeur d'Auguste, ne se donna pas comme lui la peine de séduire les Romains. Il les opprima franchement et les contraignit à le rassasier de servitude. En lui commença cette suite de monstres nés de la corruption romaine. Le premier dans l'ordre des temps, il fut aussi le plus habile. Tout dégénère, même la tyrannie. Des tyrans actifs, on arrive aux tyrans fainéants. Tibère étendit le crime de lèse-majesté qu'avait inventé Auguste. Ce crime devint une loi de finance, d'où naquit la race des délateurs, nouvelle espèce de magistrature que Domitien déclara sacrée sous la justice des bourreaux. Tibère sacrifia les droits du peuple aux sénateurs, et les personnes des sénateurs au peuple, parce que le peuple, pauvre et ignorant, n'avait de force que dans ses droits, et que les sénateurs, riches et instruits, ne tiraient leur puissance que de leur valeur personnelle. Tibère mêlait à ses autres défauts celui des petites âmes, la haine pour les services qu'on lui avait rendus et la jalousie du mérite. Le talent inquiète la tyrannie, faible, elle le redoute comme une puissance, forte, elle le hait comme une liberté. Les mœurs de Tibère étaient dignes du reste de sa vie, mais on se taisait sur ses mœurs, car il appelait ses crimes au secours de ses vices. La terreur lui faisait raison du mépris. La guerre des Germains continua sous ce prince. Elle servit aux victoires de Germanicus, et celles-ci préparèrent le poison qui les devait expier. Les triomphes de Germanicus lui coûtèrent la vie. Il mourut de sa gloire, si j'ose parler ainsi. L'année où sa veuve, la première Agrippine, après de longues souffrances, alla le rejoindre dans la tombe, le Fils de l'homme achevait sa mission. Il rapportait au peuple la religion, la morale et la liberté au moment où elles expiraient sur la terre. Cependant, la mère de Jésus et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine se tenait auprès de sa croix. Jésus, ayant donc vu sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà votre fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà votre mère. » Et depuis cette heure-là, ce disciple l'a pris chez lui. Après, Jésus, sachant que toute chose était accomplie, afin qu'une parole de l'Écriture s'accomplit encore, il dit, « J'ai soif. » Et comme il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats en emplirent une éponge, et l'environnant d'hysope la lui présentèrent à la bouche. Jésus, ayant donc pris le vinaigre, dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. À cette narration, on ne sent plus le langage et les idées des historiens grecs et romains. On entre dans des régions inconnues. Deux mondes, étrangement divers, se présentent ici à la fois. Jésus-Christ sur la croix, Tibère à Caprée. La publication de l'Évangile commença le jour de la Pentecôte de cette même année. L'Église de Jérusalem prit naissance. Les sept diacres, Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, furent élus. Le premier martyr eut lieu dans la personne de saint Étienne. La première hérésie se déclara par Simon le magicien et fut suivie de celle d'Apollonius de Tyane. Saul, de persécuteur qu'il était, devint l'apôtre des gentils sous le grand nom de Paul. Pilate envoya à Rome les actes du procès du fils de Marie. Tibère proposa au Sénat de mettre Jésus-Christ au nombre des dieux, et l'histoire romaine a ignoré ces faits. Après Tibère, un fou et un imbécile, Caligula et Claude, furent suscités pour gouverner l'Empire, lequel allait alors tout seul et de lui-même, comme leurs prédécesseurs l'avaient montré, avec la servitude et la tyrannie. Il faut rendre justice à Claude. Il ne voulait pas la puissance. Caché derrière une porte, pendant le tumulte qui suivit l'assassinat de Caius, un soldat le découvrit et le salua empereur. Claude, consterné, ne demandait que la vie. On y ajoutait l'Empire et il pleurait du présent. Sous Claude commença la conquête de la Grande-Bretagne. Né à Lyon, l'empereur introduisit les Gaulois dans le Sénat. Les Juifs persécutés à Alexandrie députèrent Philon à Caligula. Hérode, Antipas et Pilate furent relégués dans les Gaules. Corneille est le premier soldat romain qui reçut la foi. Le nombre des disciples de l'Évangile s'accroît. Les sept églises de l'Asie mineure se fondent. C'est dans Antioche que les disciples de l'Évangile reçoivent pour la première fois le nom de chrétiens. Pierre, emprisonné à Jérusalem par Hérode Agrippa, est délivré miraculeusement. Ce prince, d'une espèce nouvelle, dont les successeurs étaient appelés à monter sur le trône des Césars, entra dans Rome, le bâton pastoral à la main, la seconde année du règne de Claude. Avant de se disperser pour annoncer le Messie, les apôtres composèrent à Jérusalem le symbole de la foi. Cette charte des chrétiens, qui devait devenir la loi du monde, ne fut point écrite. Jésus-Christ n'écrivit rien. Sept de ses apôtres n'ont laissé que leurs œuvres. Il y en a d'autres dont on ne sait pas même le nom, et la doctrine de ces inconnus a parcouru la terre. Jean enseigna dans l'Asie mineure et retira chez lui Marie que le Sauveur lui avait léguée du haut de la croix. Philippe alla dans la Haute Asie, André chez les Scythes, Thomas chez les Parthes, et jusqu'aux Indes, où Barthélemy porta l'évangile de saint Matthieu, écrit le premier de tous les évangiles. Simon prêcha en Perse, Matthias en Éthiopie, Paul dans la Grèce, Marc, disciple de Pierre, rédigea son évangile à Rome, et Pierre envoya des missionnaires en Sicile, en Italie, dans les Gaules et sur les côtes de l'Afrique. Saint Paul arrivait à Éphèse lorsque Claude mourut et il catéchisa lui-même dans la Provence et dans les Espagnes. Nous apprenons par les épîtres de cet apôtre que les premiers chrétiens et les premières chrétiennes à Rome furent Epénitas, Marie, Andronique, Junia, Ampliate, Urbain, Stachys, Apelles. Paul salua encore les fidèles de la maison d'Aristobule et ceux de la maison de Narcisse, le fameux favori de Claude. Ces noms sont bien obscurs et ne se trouvèrent point dans les documents fournis à Tacite. Mais il est assez merveilleux sans doute de voir, du point où nous sommes parvenus, le monde chrétien commencer inconnu dans la maison d'un affranchi que l'histoire a cru devoir inscrire dans ses fastes. De même que tous les conquérants sont devenus des Alexandres, tous les tyrans ont hérité du nom de Néron. On ne sait trop pourquoi ce prince a joui de cet insigne honneur, car il ne fut ni plus cruel que Tibère, ni plus insensé que Caligula, ni plus débauché qu'Héliogabale. C'est peut-être parce qu'il tua sa mère, et qu'il fut le premier persécuteur des chrétiens. Peut-être encore son enthousiasme pour les arts donna-t-il à sa tyrannie un caractère ridicule qui a servi à la faire remarquer. Le beau ciel de Baïa et les fêtes étaient les tableaux où Néron aimait à placer ses crimes. Les sénateurs qui le condamnèrent à mort lui prouvèrent qu'un artiste ne vit pas partout, comme il avait coutume de le dire en chantant sur le luth. Ses esclaves, qui jugèrent leur maître tombé, n'avaient pas osé l'attaquer debout. Ils laissèrent vivre le tyran, ils ne tuèrent que l'histrion. L'incendie de Rome, dont on accusa les chrétiens, que l'on confondait avec les juifs, produisit la première persécution. Les martyrs étaient attachés en croix, comme leur maître, ou revêtus de peau de bête et dévorés par des chiens, ou enveloppés dans des tuniques imprégnées de poix auxquelles on mettait le feu. La matière fondue coulait à terre avec le sang. Ces premiers flambeaux de la foi éclairaient une fête nocturne que Néron donnait dans ses jardins. À la lueur de ces flambeaux, il conduisait des chars. Paul, accusé devant Félix et devant Festus, vient à Rome, où il prêche l'Évangile avec Pierre. Hérésie des Nicolaïtes, laquelle avait pris son nom de Nicolas, un des premiers sept diacres. Saint Jacques, évêque de l'Église juive, avait souffert le martyr. La guerre de Judée commençait sous Sextus Gallus, et les chrétiens s'étaient retirés de Jérusalem. Apollonius de Tyane, débarqué dans la capitale du monde pour voir, disait-il, quel animal c'était qu'un tyran, s'en fit chasser avec les autres philosophes. Pierre et Paul, enfermés dans la prison mamertine au pied du Capitole, sont mis à mort, Paul à la tête tranchée comme citoyen romain auprès des eaux salviennes, dans un lieu aujourd'hui désert où l'on voit trois fontaines à quelque distance de la basilique appelée Saint-Paul hors des murs, qu'un incendie a détruite au moment même de la mort de Pie VII. Pierre, réputé juif et de condition vile, fut crucifié la tête en bas sur le mont Janicule et enterré le long de la voie Aurélia près du temple d'Apollon. Là s'élève aujourd'hui le palais du Vatican et cette église de Saint-Pierre qui lutte de grandeur avec les plus imposantes ruines de Rome. Néron ne savait pas sans doute le nom des deux malfaiteurs de Bâlieu condamnés par les magistrats, et c'était après Jésus-Christ les fondateurs d'une religion nouvelle, d'une société nouvelle, d'une puissance qui devait continuer l'éternité de la ville de Romulus. L'un dont il est question dans les épîtres de Saint-Paul succéda à Saint-Pierre, Saint-Clément ou Saint-Clé à Saint-Lin. Le peuple romain aima Néron. Il espéra le retrouver après sa mort dans des imposteurs. Quelques chrétiens pensèrent que Néron était l'Antéchrist et qu'il reparaîtrait à la fin des temps. Le monde païen l'attendait pour ses délices, le monde chrétien pour ses épreuves. Ce fut encore sous le règne de Néron que Saint-Marc fonda l'église d'Alexandrie, qui commença surtout parmi les thérapeutes, secte juive, livrée à la vie contemplative, et qui servit de premier modèle aux ordres monastiques chrétiens. Les thérapeutes différaient des Esséniens qui ne se voyaient qu'en Palestine et qui vivaient en commun du travail de leurs mains. L'école philosophique d'Alexandrie mêla aussi ses doctrines à celles du christianisme, subtilisa la simplicité évangélique et produisit des hérésies fameuses. La mort de Néron causa une révolution dans l'État, l'élection passa aux légions et la constitution devint militaire. Jusque-là, la dignité impériale s'était maintenue dans la famille d'Auguste par une espèce de droit de succession. Le Sénat, il est vrai, et les prétoriens avaient plus ou moins ajouté de la force à ce droit. Mais enfin, l'élection était restée attachée à la ville éternelle et au sang du premier des Césars. Usurpée par les régions, elle amena des choses considérables. Elle multiplia les guerres civiles et partant les causes de destruction. L'armée nommant son maître et ne le recevant plus de la volonté des sénateurs et des dieux, méprisa bientôt son ouvrage. Les barbares introduits dans l'armée s'accoutumèrent à faire des empereurs. Quand ils furent las de donner le monde, ils le gardèrent. Dans le despotisme héréditaire, il y a des chances de repos pour les hommes. il perd de son âpreté en vieillissant. Dans le despotisme électif, chaque chef surgit à la souveraineté avec la force du premier-né de sa race et se porte à l'oppression de toute l'ardeur d'un parvenu à la puissance. On a toujours le tyran dans sa vigueur élective, tandis que la nation, qui ne se renouvelle pas, reste dans sa servitude héréditaire. Et comme l'Empire romain occupait le monde connu, comme l'empereur pouvait être choisi partout, de là cette diversité de tyrannie selon que le maître venait de l'Afrique, de l'Europe ou de l'Asie. Toutes les variétés d'oppression répandues aujourd'hui dans les divers climats s'asseyaient par l'élection sur la pourpre où chaque candidat arrivait avec son caractère propre et les mœurs de son pays. Ces gens qui, profitant de la jalouse vieillesse de Tibère, avaient empoisonné Drusus, amené la disgrâce et par suite la mort d'Agrippine et de ses deux fils aînés, n'atteignit point le troisième fils de Germanicus. Celui-ci fut Caius Caligula. Claude, son oncle, frère de Germanicus, proclamé empereur par les prétoriens et surtout par les germains de la garde, eut de Messaline l'infortuné Britannicus. Agrippine, sœur de Caligula et fille de la première Agrippine, femme de Germanicus, épousa en seconde noce son oncle Claude et lui fit adopter Néron, qu'elle avait eu de son premier mariage avec Domitius Aenobarbus. Néron, parvenu à l'Empire après s'être défait de Britannicus, fut contraint de se tuer. En lui s'éteignit la famille d'Auguste. Malgré les vices et les crimes qui l'ont rendu exécrable, cette famille eut dans ses manières quelque chose d'élevé et de délicat que donne l'exercice du pouvoir, l'habitude des richesses, les souvenirs d'une lignée historique. La maison de Jules prétendait remonter d'un côté à Énée par les rois d'Albe, de l'autre à Clausus le Sabin et à tous les Claudius, ses fiers descendants. Galba, qui prit un moment la place de Néron, était encore de race aristocratique. Mais après lui commence une nouvelle sorte de prince. Toutes les fois qu'un grand changement dans la constitution d'un État s'opère, les anciennes familles disparaissent, soit qu'elles s'épuisent et s'éteignent réellement, soit qu'obéissant ou résistant au nouveau pouvoir, elles disparaissent dans le mépris qui s'attache à leur soumission ou dans l'oubli qui suit leur fierté. Le despotisme était aristocratique par l'élection du Sénat, il devint démocratique par l'élection de l'armée. Remarquons, sous la première année du règne de Néron, la naissance de Tacite. Il parut derrière les tyrans pour les punir, comme le remords à la suite du crime. Tite-Live était mort sous Tibère, Tite-Live et Tacite se partagèrent le tableau des vertus et des vices des Romains. Les exemples rappelés par le premier furent aussi inutiles que les leçons données par le second. Pendant le règne de Néron, la Grande-Bretagne se souleva et fut écrasée. Les Parthes remuèrent et furent contenus par Corbulon. Les Germains restèrent tranquilles, hors les Frisons et les Ancibards qui voulurent occuper le long du Rhin le pays que les Romains laissaient inculte. Le vieux chef des Ancibards, repoussé par le général romain, s'écria « Terre ne peut nous manquer pour y vivre ou pour y mourir. » Nous devons compter les Ancibards au nombre de nos ancêtres. Ils firent dans la suite partie de la Ligue des Francs. Galba, Othon et Vitellius passèrent vite. Ils eurent à peine le temps de se cacher sous le manteau impérial. Galba avait dit à Pison, dans le beau discours que lui prête Tacite, que l'élection remplacerait pour le peuple romain la liberté. Cette liberté ne fut que la décision de la force. Quelques mots de Galba sont dignes de l'ancienne Rome dont il conservait le sang. Des légionnaires sollicitaient une gratification nouvelle. « Je choisis des soldats, répondit-il, et ne les achète pas. » Othon venait de soulever les prétoriens. Un soldat se présente à Galba, l'épée nue, affirmant avoir tué Othon. « Qui te l'a ordonné ? » dit le vieil empereur. Galba fut massacré sur la place publique. Entouré par les séditieux qu'avait soulevé Othon, il tendit la gorge aux meurtriers en leur disant « Frappez, si cela est utile au peuple romain. » Sa tête tomba, elle était chauve. Un soldat, pour la porter, fut obligé de l'envelopper dans une étoffe. Cette tête aurait dû mieux conseiller un vieillard de 73 ans. Était-ce la peine de mettre une couronne sur un front dépouillé? Othon avait voulu l'Empire, il l'avait voulu tout de suite, non comme un pouvoir, mais comme un plaisir. trop voluptueux pour régner, trop faible pour vivre, il se trouva assez fort pour mourir. Ses soldats ayant été battus par les légions de Vitellius, il se couche, dort bien, se perce à son réveil de son poignard et s'en va à petit bruit sans avoir lu le dialogue de Platon sur l'immortalité de l'âme, sans se déchirer les entrailles. Mais Caton expira avec la liberté. Othon ne quittait que la puissance. Vitellius, qui n'est guère connu que par ses excès de table et dont le premier monument était un plat, Vitellius, successeur d'Othon, cassa les prétoriens qui s'étaient déclarés contre lui. Bientôt il est attaqué par Primus, vainqueur au nom de Vespasien. On se bat dans Rome, des Illyriens, des Gaulois, des Germains légionnaires s'égorgent au milieu des festins, des danses et des prostitutions. Vitellius fuit avec son cuisinier et son boulanger. Rentré dans son palais, il le trouve désert. Saisi de terreur, il court se cacher dans la loge d'un portier, près de laquelle étaient des chiens qui le mordirent. Il bouche la porte de cette loge avec le lit et le matelas du portier. Les soldats arrivent, découvrent l'empereur, l'arrachent de son asile. Les mains liées derrière le dos, la corde au cou, les vêtements déchirés, les cheveux rebroussés, Vitellius, demi-nu, est traîné le long de la voie sacrée. Son visage, rouge de vin, son gros ventre, sa démarche chancelante comme celle d'un silène, sont des sujets d'insultes et de risées. On l'appelle incendiaire, gourmand, ivrogne, on lui jette des ordures, on lui attache une épée sur la poitrine, la pointe sous le menton pour le contraindre à lever la tête qu'il baissait de honte, on l'oblige de regarder ses statues renversées et dont les inscriptions portaient qu'il était né pour le bonheur et la concorde des Romains. Enfin, après l'avoir accablé d'outrages et de blessures, on l'achève, son corps est jeté dans le Tibre, sa tête plantée au bout d'une pique. Vitellius s'assit à l'Empire qu'il avait pris pour un banquet. Ses convives le forcèrent d'achever le festin aux Gémonies. Les Sarmates roxolans furent battus pendant le court règne d'Othon, tandis que Vespasien attaquait Vitellius, les Daces attaquaient la Mésie et furent repoussés par Mucien. Civilis fit révolter les Bataves et les Germains, alliés de Civilis, insultèrent les frontières romaines. La mort de Vitellius suspendit le cours de ces ignominieuses adversités. 80 années de bonheur, interrompues seulement par le règne de Domitien, commencèrent à l'élévation de Vespasien. On a regardé cette période comme celle où le genre humain a été le plus heureux. Vrai est-il si la dignité et l'indépendance des nations n'entrent pour rien dans leur félicité. Les premiers tyrans de Rome se distinguèrent, chacun par un vice particulier, afin qu'on jugeât ce que la société peut supporter sans se dissoudre. Les bons princes, qui succédèrent à ces tyrans, brillèrent chacun par une vertu différente, afin qu'on sentît l'insuffisance des qualités personnelles pour l'existence des peuples, quand ces qualités sont séparées des institutions. Tout ce qu'on peut imaginer de mérites divers parut à la tête de l'Empire. Ceux qui possédèrent ces mérites pouvaient tout entreprendre, ils n'étaient gênés par aucune entrave. Héritiers de la puissance absolue, ils étaient maîtres d'employer pour le bien l'arbitraire dont on avait usé pour le mal. Que produisit ce despotisme de la vertu? Rétablit-il la liberté? Préserva-t-il l'Empire de sa chute? Non, le genre humain ne fut ni amélioré, ni changé. La fermeté régna avec Vespasien, la douceur avec Titus, la générosité avec Nerva, la grandeur avec Trajan, les arts avec Adrien, la piété avec Antonin, enfin la philosophie monta sur le trône avec Marc Aurèle, et l'accomplissement de ce rêve des sages n'amena aucun bien solide. C'est qu'il n'y a rien de durable ni même de possible quand tout vient des volontés et non des lois. C'est que le paganisme, survivant à l'âge poétique, n'ayant plus pour lui la jeunesse et l'austérité républicaine, transformait les hommes en un troupeau de vieux enfants, sans raison et sans innocence. Il y avait dans l'Empire des chrétiens obscurs, persécutés même par Marc Aurèle, ils faisaient avec une religion méprisée ce que ne pouvait accomplir la philosophie ornée du sceptre. Ils corrigeaient les mœurs et fondaient une société qui dure encore. Vespasien mit fin à la guerre de Civilis et à la révolte d'où sortit la touchante aventure d'Éponine. Cette Gauloise doit être nommée dans une histoire des Français. Du petit nombre de ces hommes que la postérité rend meilleurs, Titus ne fut point obligé de soutenir au dehors l'honneur de l'Empire. Il n'eut à combattre que ses passions. Il les vainquit pour devenir les délices du genre humain. On a voulu douter de sa constance pour la vertu, au cas que sa vie se fût prolongée. Pourquoi calomnier le néant d'un avenir si vain qu'il n'a pas même été ? On appliqua à Titus et à Vespasien les prophéties qui annonçaient des conquérants venus de la Judée. Le Messie devait être un prince de paix. En conséquence, Vespasien fit bâtir à Rome et consacrer à la paix éternelle un temple qui vit toujours la guerre et dont les fondements mis à nu aujourd'hui ont à peine résisté aux assauts du temps. Le véritable prince de paix était le roi de ce nouveau peuple qui croissait et multipliait dans les catacombes sous les pieds du vieux monde passant au-dessus de lui. Saint Clément écrivit aux Corinthiens pour les inviter à la concorde. Il raconte que saint Pierre avait souffert plusieurs fois, que saint Paul, battu de verges et lapidé, avait été jeté dans les fers à 7 reprises différentes. Il indique l'ordre dans le ministère ecclésiastique, les oblations, les offices, les solennités. Dieu a envoyé Jésus-Christ, Jésus-Christ les apôtres ont établi les évêques et les diacres. La religion a cru sa force sous les règnes de Vespasien et de Titus, par la consommation d'un des oracles écrits au livre saint, Jérusalem périt. La guerre de Judée avait commencé sous Néron. La multitude des Juifs qui se trouva à Jérusalem l'an 66 de Jésus-Christ pour la fête des Azymes fut comptée par le nombre des victimes pascales. Il se trouva qu'on en avait immolé 256 500. 10 et quelquefois 20 convives s'assemblaient pour manger un agneau, ce qui donnait pour 10 seulement 2 556 000 assistants purifiés. Des prodiges annoncèrent la destruction du temple. Une voix avait été entendue qui disait « Sortons d'ici !» Jésus, fils d'Ananus, courant autour des murailles de la ville assiégée, s'était écrié « Malheur, malheur sur la ville, malheur sur le temple, malheur sur le peuple, malheur sur moi !» Famine, peste et guerre civile au-dedans de la cité. Au dehors, les soldats romains crucifiaient tout ce qui voulait s'échapper, les croix manquèrent, et la place pour dresser les croix. On éventrait les fugitifs pour fouiller dans leurs entrailles l'or qu'ils avaient avalé. 600 000 cadavres de pauvres furent jetés dans les fossés, par-dessus les murailles. On changeait les maisons en sépulcres, et quand elles étaient pleines, on en fermait les portes. Titus, après avoir pris la forteresse Antonia, attaqua le temple le 17 juillet 70 de Jésus-Christ, jour où le sacrifice perpétuel avait cessé, faute de mains consacrées pour l'offrir. Marie, fille d'Éléazar, rôtit son enfant et le mangea dans la ville où une autre Marie avait enseveli son fils. Jésus-Christ avait dit aux femmes de Jérusalem après le prophète « Un jour viendra où l'on dira « Heureuses les entrailles stériles et les mamelles qui n'ont point allaité ». Le temple fut brûlé le 8 d'août de cette année 70. Ensuite, la ville basse fut incendiée et la ville haute emportée d'assaut. Titus fit abattre ce qui restait du temple et de la ville, excepté 3 tours. On promena la charrue sur les ruines. Telle fut la grandeur du butin que le prix de l'or baissa de moitié en Syrie. 1 100 000 Juifs moururent pendant le siège. 97 000 furent vendus. À peine trouvait-on des acheteurs pour ce vil troupeau. À la fête de la naissance de Domitien, à celle de l'anniversaire de l'avènement de Vespasien à l'Empire, 24 octobre 70 et 1er juillet 71, plusieurs milliers de Juifs périrent par le feu et les bêtes, ou par la main les uns des autres, comme gladiateurs. À Rome, Titus et son père triomphèrent de la Judée. Jean et Simon, chefs des Juifs de Jérusalem, marchaient entraînés derrière le char. Des médailles frappées en mémoire de cet événement représentent une femme, enveloppée d'un manteau, assise au pied d'un palmier, la tête appuyée sur sa main, avec cette inscription « La Judée captive ». Les chrétiens trouvaient dans cette catastrophe d'autres sujets d'étonnement que la multitude païenne. Il n'y avait pas 3 années que saint Pierre était enseveli au Vatican. Saint Jean, qui avait vu pleurer Jésus-Christ sur Jérusalem, vivait encore, peut-être même, selon quelques traditions. La mère du Fils de l'homme était encore sur la terre, elle n'avait point encore accompli son assomption en laissant dans sa tombe, au lieu de ses cendres, sa robe virginale ou une manne céleste. Les Juifs furent dispersés, témoins vivants de la parole vivante. Ils subsistèrent, miracle perpétuel, au milieu des nations. Étrangers partout, esclaves dans leur propre pays, ils virent tomber ce temple, dont il ne reste pas pierre sur pierre, comme mes yeux ont pu s'en convaincre. Une partie de leur population enchaînée vint élever à Rome cet autre monument où devaient mourir les chrétiens. Le ciseau sculpta sur un arc de triomphe qu'on admire encore les ornements qui brillaient aux pompes de Salomon et dont, sans ce hasard, nous ignorerions la forme. L'orgueil d'un prince romain et le talent d'un artiste grec ne se doutaient guère qu'ils fournissaient une preuve de plus de la grandeur de la nation vaincue et de ses mystérieuses destinées. Tout devait servir, gloire et ruine, à rendre éternelle la mémoire du peuple que Moïse forma et qui vit naître Jésus-Christ. Le Capitole incendié dans les désordres qui signalèrent la fin de Vitellius était la proie des flammes presque au moment où le temple de Jérusalem brûlait. Domitien fit dans la suite la dédicace du nouveau Capitole. L'autel de la servitude y rempla celui de la liberté. On eut encore le malheur de n'y pouvoir établir l'image fameuse du chien dont les gardiens répondaient sur leur vie. 60 millions furent employés à la seule dorure de cet édifice. Jupiter, en vendant tout l'Olympe, disait Martial, n'aurait pu payer le 20e de cette somme. Le dieu des Juifs avait prononcé la destruction de son temple, et Julien essaya vainement de le relever. La grande peste et l'éruption du Vésuve, qui fit périr Pline, le naturaliste, sont de cette époque. Ébion, Cérinthe, Ménandre, disciples de Simon, allaient prêchant leurs hérésies. Les philosophes furent de nouveau exclus de Rome. C'était Euphrate, Tyrien, d'abord ami et ensuite adversaire d'Apollonius de Tyane, Démétrius, le cynique, Artémidore, Damis, le pythagoricien, Épictète, le stoïcien, Lucien, l'épicurien, Diogène, le jeune cynique, Héras et Dion de Bruse, Musonius seul trouva grâce auprès de Vespasien. Le pape Clément acheva de gouverner l'Église la 77e année de Jésus-Christ. Il céda sa chair à saint Anaclet ou Clé, pour éviter un schisme. On attribue à saint Clément les ouvrages les plus anciens après les livres canoniques. Jamais frère ne ressembla moins à son frère que Domitien à Titus. Sous Domitien, les peuplades du Nord, pressées peut-être par le grand corps des Goths qui s'approchaient, remuèrent aux frontières de l'Empire. Domitien fut battu par les Cades et les Marcomans en Germanie. Il acheta la paix de Décébal, chef des Daces, en lui payant une espèce de redevance annuelle. Ce premier exemple de faiblesse profita aux barbares. Selon les temps et les circonstances, ils continuèrent à vendre aux empereurs une paix dont le prix leur servait ensuite à recommencer la guerre. Domitien vaincu ne s'en décerna pas moins les honneurs du triomphe. Il prit avec raison le surnom de Dacique. Il donna des jeux, se consacra des statues et se traîna dans la gloire où d'autres empereurs s'étaient précipités. Ses armes furent plus heureuses dans la Grande-Bretagne. Agricola battit les Calédoniens et sa flotte tourna l'île au Septentrion. Un coup funeste fut porté à l'Empire par l'augmentation de la paye des soldats. Leur influence déjà trop considérable s'accrut. Le gouvernement dégénéra en république militaire. Il faut toujours que la liberté, d'elle-même impérissable, se retrouve quelque part. Domitien persécuta les philosophes, que l'on confondait avec les chrétiens. Ils se retirèrent à l'extrémité des Gaules, dans les déserts de la Libye et chez les Scythes. Apollonius, interrogé par Domitien, montra du courage et une rude franchise. On commença à voir de tous côtés la succession des évêques. À Alexandrie, Abilius succéda à saint Marc, à Rome, saint Évariste à saint Clet, Alexandre Ier ou Sixte Ier à saint Évariste. Vers la fin de son règne, Domitien se jeta sur les fidèles. L'apôtre saint Jean, relégué dans l'île de Patmos, eut sa vision. Flavius Clément, consul et cousin germain de l'empereur, qui destinait les deux enfants de Clément à l'Empire, avait embrassé la foi et fut décapité. L'Évangile faisait des progrès dans les hauts rangs de la société. Domitien assassiné, Nerva ne parut après lui que pour abolir le crime de lèse-majesté, punir les délateurs et appeler Trajan à la pourpre. Trois bienfaits qui lui ont mérité la reconnaissance des hommes.